On va commencer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يعني الحمد لله je suis heureux que alhamdulillah aujourd'hui on commence notre cours et puis comme on sait tous qu'est-ce qui s'est passé dernièrement les conflits avec l'endroit où on était avant yani parce qu'ils ont contredit le manhaj et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie des salafs dans leur méthodologie. Donc on a commencé à comprendre que c'était nécessaire de faire un avertissement pour clarifier notre position vis-à-vis de ces gens-là. Et pour que des frères et des sœurs ne tombent pas dans l'erreur. Et de plus en plus, alhamdoulilah, la réalité commence à devenir de plus en plus claire. Les choses que j'ai expliquées dernièrement au sujet de la mosquée Sunna et tout, c'est des choses qui avaient été clarifiées il y a bien longtemps. Excepté que, étant donné que les choses sont passées il y a assez longtemps, les gens ont commencé à oublier ces choses-là. Et puis, étant donné que chacun travaille de son côté, alors les gens ont un peu laissé aller beaucoup de choses à ce sujet du manhaj qu'on doit suivre en ce qui concerne le da'wa et qui concerne la voie des salaf. Donc, yani, il fallait que quelqu'un fasse un rappel et puis qu'on clarifie nos positions. Donc, maintenant, on commence ici avec dans la mosquée Dar al-Arqam à Montréal, yani, où les frères ici, les gens qui s'occupent de la mosquée sont des frères salafis, qui sont sur cette voie, yani, sur la manhaj et qui suivent les ulama et qui suivent l'exemple des ulama qui sont salafis dans le monde. Donc, alhamdulillah, yani, on fait augmenter le nombre de nos frères et puis on diminue le nombre des gens qui nous sont sur la bid'a, etc. Qu'est-ce que je voulais expliquer aussi, c'est que, bon, étant donné que là, maintenant, on commence ici, on n'est pas organisé comme on peut voir. C'est la première fois qu'on le fait ce soir, donc, inch'Allah, je pense qu'à l'avenir, on va commencer à s'organiser. Parce que les frères, ils avaient déjà leur programme avant. Et nous, on vient, on fait ça, là, comme ça, tout d'un coup. Donc, il faut avoir un petit peu de patience, Inch'Allah, puis essayer de comprendre que, avec le temps, on va être capable de mieux s'organiser dans le programme, Inch'Allah. Il y avait un autre point aussi que je voulais expliquer. Donc, comme je disais au début, je pense que peut-être on va donner deux cours, si j'ai le temps, Inch'Allah, pour expliquer un autre sujet parallèlement au sujet qu'on explique actuellement, qui est le livre Al-Irshad. Mais jusqu'à ce que ce soit décidé, on va continuer avec ce livre particulièrement, Inch'Allah. Donc, on va commencer à lire à l'endroit où on est arrivé dans le chapitre de Al-Iman ou de Rasul. Et là, on est arrivé au point où le cheikh explique. Le titre c'est « Dînu l'Anbiya alayhim salat wa salam wahid » c'est-à-dire la religion des prophètes est une seule et même religion. Le Cheikh il dit Inna dinul anbiya, inna dinul anbiya alayhi salat wa salam dinul wahid wa in tanawwa'at shara'i'uhum. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه نعم كبر على المشركين ما تدعوهم إليه والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Ça, c'est le premier verset que le chef explique. Donc, le chef l'explique en commençant, il dit que la religion des messagers, des envoyés d'Allah, c'est-à-dire les prophètes, que la paix et le salut soient sur eux, est une seule et même religion. Ça veut dire même si leur légifération ou les lois qu'ils ont amenées sont parfois différentes entre elles. D'accord? Et comme preuve de ça, il cite un verset dans lequel Allah, il dit, qu'il a légiféré pour vous de la religion, ce qu'il a enjoint ou ce qu'il a prescrit à Noé, et aussi ce qu'il a révélé à toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'on a aussi prescrit à Ibrahim et à Moussa et à Isa, c'est-à-dire les trois autres prophètes, Ibrahim, Moussa et Isa, c'est-à-dire, c'est quoi cet ordre, c'est quoi cette religion qui nous a enseigné ou qui nous a ordonné de suivre, c'est d'établir la religion et de ne pas se diviser dans cette religion. An aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi. Donc établir la religion et de ne pas se diviser. Donc ça prouve une chose, ce verset, ça prouve qu'en fait, même si ce sont tous des différents messagers, ils viennent tous avec la même religion qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne sont pas divisés entre eux. C'est-à-dire, Isa, il n'est pas venu avec une religion différente que celle de Moussa. Et Moussa, il n'est pas venu avec une religion différente de celle de Ibrahim. Et Ibrahim n'est pas venu avec une religion différente de celle de Daoud ou Suleyman ou n'importe quel autre des messagers. Tous sont venus, malgré qu'ils sont tous des prophètes différents, mais sont tous venus du même Dieu, et donc ils sont tous venus avec la même religion. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a eu dit dans ce verset, juste après, mais le chef il ne l'a pas mentionné, mais la suite de ce verset-là, c'est « Kabura ala al-mushrikina ma tad'uhum ilayh ». C'est une chose énorme à laquelle tu appelles les mushrikin, les idolâtres. Quand tu leur appelles à dire qu'ils doivent être unifiés dans leur religion, mais c'est une chose, pour eux, c'est une chose énorme, c'est-à-dire, c'est inconcevable d'arriver à une religion sur une seule croyance, une seule religion. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'eux, ils sont sur le shirk, et le shirk, à la base, est basé sur la division, sur le fait de diviser les gens dans l'adoration, c'est-à-dire d'adorer plusieurs que Allah, autres que Allah, ou d'autres avec Allah. Donc, elle est basée sur le fait de diviser les gens. Tandis que l'islam est basé sur le tawhid, et sur l'unicité, et sur l'unité. Donc ça c'est une chose claire, et lorsque tu parles souvent avec des non-musulmans, tu leur parles de l'islam, eh bien souvent tu vas voir surtout même les chrétiens, parce qu'on les connaît ici sur la majorité, en dehors des musulmans, ils disent « bon, il y a tellement de religions, il y a tellement de ci, il y a tellement de ça, comment tu peux savoir laquelle des religions est la vraie ?» Alors que lorsque tu commences à parler avec eux, tu commences à leur expliquer, comme si par exemple ils disent « ah mais il y a le judaïsme, il y a l'islam, il y a le christianisme, comment tu peux distinguer laquelle est la bonne ?» Alors tu leur dis « est-ce que Jésus appelait à une religion qui s'appelait le christianisme ? Et est-ce que Moïse appelait une religion qui s'appelait le judaïsme ? Est-ce que Abraham appelait une autre religion qui s'appelait un autre nom ? Et je sais pas, Suleyman et David, yani Daoud, ils appelaient à une autre religion différente, le davidisme ou bien le soulimanisme ou je ne sais pas quoi. Non, chaque prophète de ces prophètes-là appelait au même fondement et au même message, c'est-à-dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ils appelaient à leur époque, par exemple, ils disaient la ilaha illallah, Isa Rasulullah. La ilaha illallah, Moussa Rasulullah. Et nous, étant donné qu'on est à la période du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc c'est ça. Ça, ça explique un petit peu que comment ça, ça montre un peu comment ça simplifie beaucoup la compréhension de la religion lorsqu'on a compris ce fondement principal de la religion islamique, c'est-à-dire la croyance en le messager. Hein? Et donc le shir continue en citant un autre verset dans lequel il dit « قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. D'accord. Donc le chef il mentionne un autre verset dans lequel il dit oh vous les messagers, mangez des choses qui sont bonnes et faites des bonnes œuvres. Et je sais tout ce que vous faites, je suis connaissant de ce que vous faites. Et cette umma, votre umma n'est qu'une seule umma. Et moi je suis votre Seigneur, alors craignez-moi. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à tous les messagers directement. Et il dit, oh vous les messagers, mangez des bonnes choses. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à tous les messagers. Et c'est comme si ça explique que, étant donné qu'ils sont tous venus du même Dieu, ils enseignent tous la même religion, Allah leur a enseigné à tous ces messagers-là les mêmes fondements et la même base. Et il dit que cette umma, yani la umma des croyants, eh ben c'est une seule umma. Donc peu importe yani qu'on a plusieurs messagers ou plusieurs prophètes et qu'à différentes époques yani on a été divisé physiquement ou c'est-à-dire ils n'étaient pas tous à la même période et à la même endroit et ensemble tout le temps, sauf que étant donné qu'ils étaient sur la même religion et la même foi, donc ils étaient tous yani une seule umma, même s'ils ne sont pas ensemble, d'accord. Donc ça veut dire qu'ils sont tous une seule, on représente tous une umma. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلات. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie yani nous yani l'assemblée des messagers ou des prophètes. Nous tous les prophètes, notre religion est une seule religion. Et les prophètes sont des frères de mères différentes. C'est-à-dire, ce sont tous des frères, mais ce sont de mères différentes. C'est-à-dire, ils sont tous du même Dieu, ils sont envoyés par le même Dieu, sauf qu'ils viennent parfois avec des distinctions entre leur législation. Pour certains, certaines choses, Allah a permis à certains d'entre eux certaines choses. Et il a interdit à certains d'entre eux certaines choses, et d'autres il a permis. Donc, ils ont tous des chara'a, des règles qui sont différentes. Et ça, c'est pour certaines sagesses que Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Il a décidé que ce soit comme ça pour une sagesse. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le cheikh il continue, il dit, وَدِينُ الْأَنْبِيَاهُ وَدِينُ الْإِسْلَامُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ غَيْرَهُ وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. نعم. Donc là le chef maintenant il explique en fait qu'est-ce que c'est cette religion là des messagers. Il dit la religion des prophètes c'est l'islam, c'est la religion qui n'acceptera aucune autre que celle-là. C'est-à-dire il ne va pas accepter aucune autre religion que la religion de l'islam. Et c'est-à-dire la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala en l'unifiant. On a expliqué déjà à Tawhid qu'est-ce que ça signifie. Tawhid, yani al-istislam lillahi bil-tawhid. Donc, Tawhid, c'est les trois catégories qu'on a déjà étudiées. Tawhid al-rububiyya, Tawhid al-uluhiyya, wa Tawhid al-asma wa sifat. C'est-à-dire le Tawhid, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, l'unicité d'Allah dans sa souveraineté, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc on l'unifie Allah subhanahu wa ta'ala, on se soumet à lui par son tawhid en l'unifiant, et on se soumet à lui dans notre obéissance, et de se désavouer, et de se désavouer du shirk, hein, et de se débarrasser du shirk, et de ceux qui le pratiquent. C'est ça l'islam en résumé, c'est ça. La religion de l'islam. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de cas dans le Coran de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, inna ad-dina 'inda Allah al-islam. la religion d'Allah SWT, ou la religion qu'Allah SWT a choisie, c'est l'islam. Et il dit dans un autre verset du Coran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Qu'est-ce que ça signifie ce verset-là? Ça signifie que celui qui recherche une religion autre que l'islam, alors il ne sera pas accepté de lui. Et il sera parmi les perdants dans l'au-delà. Et ça veut dire que tu ne peux pas juste dire que tu peux arriver à Allah par une autre voie que l'islam. Et même si tu cherches une autre religion que l'islam, ben tu ne peux pas en trouver. Pourquoi? Parce que tous les messagers qui viennent d'Allah sont venus avec l'islam. Donc, quelle autre religion tu vas trouver autre que l'islam? Puisque c'est seulement celle-là que les messagers ont enseigné. Toute autre religion autre que l'islam, ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle ne vient pas des messagers. Ça veut dire quoi? Qu'elle ne vient pas des messagers, ou qu'elle ne vient pas d'autre, qu'elle ne vient pas non plus d'Allah. D'accord? Et la chose qui distingue et qui clarifie aussi la position de l'islam, c'est que Allah SWT dit dans le Coran, يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parfait pour vous votre religion. وأتممت عليكم نعمتي. Et j'ai complété pour vous mes bienfaits. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. D'accord? Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Et ça signifie que cette religion-là, elle est complète. Elle a été complétée. Tandis que les autres religions, c'est-à-dire le message des autres, les messagers qui sont venus avant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit qu'ils étaient tous sur l'islam, mais la religion n'était pas complétée avec eux. Elle n'était pas encore complétée. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va voir plus tard, c'est lui le dernier des messagers. C'est lui qui est venu clore la prophétie. Hein? Donc c'est ça. Et donc sa religion, elle a été parfaite et elle a été complétée. Et il y a une chose qui fait qu'elle se distingue. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a nommée par ce nom, al-Islam. Qu'est-ce que ça signifie al-Islam? Comme le chef l'a expliqué, ça signifie la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par l'obéissance et par le tawhid et en se désavouant du shirk et de ceux qui le commettent. C'est ça la définition de l'islam. Et après le chef, il mentionne des exemples, des versets dans le Coran qui prouvent que tous les messagers ont été des musulmans. Okay. Ils ont tous été des musulmans, c'est-à-dire ils ont tous été des gens qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il mentionne un verset dans lequel le chef dit وَقَالَ تَعَالَى عَنْ نُوحٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah il a dit au sujet de Nuh, on m'a ordonné d'être parmi les musulmans. Et en Ibrahim, إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Il a dit au sujet d'Abraham, et lorsque son Seigneur lui dit soumets-toi, il dit je suis soumis au Seigneur de l'univers. Donc Aslam, c'est-à-dire je deviens musulman et je me soumets au Seigneur de l'univers. وقال عن موسى من أدوسه موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. سيد مويز أو قال موسى يا قوم أو مويز أو مطاب si vous avez vraiment cru en Allah سبحانه وتعالى alors mettez en lui votre confiance si vous êtes musulman. Et dans un autre verset, le cheikh il mentionne l'exemple, il dit وَعَنْ عِيسَى وَعَنْ الْمَسِيحِ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. C'est-à-dire, selon, il dit au sujet d'Isa, et lorsque j'ai révélé aux apôtres de croire en moi et de croire en mes messagers, ils ont dit nous croyons. Et soit c'est moins que nous sommes parmi les musulmans. Et il y a un autre verset encore dans lequel le chef il explique. Il dit وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَنِ التَّوْرَاةِ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا. Il dit que les autres messagers qui étaient avant le prophète sallam, il dit qu'il jugeait selon la Torah, et il dit يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا. C'est-à-dire c'est par cette loi que les prophètes jugeaient, c'est-à-dire ceux qui avaient été soumis à Allah, qui étaient devenus musulmans. Parce qu'être musulman, ça veut dire être soumis à Allah. C'est ça la religion d'Allah. وقال تعالى عن ملك سبا, la reine de Saba, Allah dit à son sujet, رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Seigneur, je me suis fait du mal à moi-même, je me suis fait de l'injustice à moi-même, et je me soumets à Sulaiman, je me soumets avec Sulaiman à Allah, le Seigneur des univers. Donc, le cheikh dit, l'islam, huwa dinul anbiya jami'an. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Huwa l'istislam lillahi wahda, wa man istaslama lahu wa li ghayri kana mushrikan. Donc le chef il dit, donc c'est de se soumettre à Allah seul, de se soumettre à Allah lui seul. Donc celui qui se soumet à Allah et à autre que Allah en même temps, alors il est un mushrik, il est un associateur, il est un idolâtre. Donc, pourquoi? Parce qu'il s'est soumis à Allah, mais il s'est pas soumis uniquement à Allah, il s'est soumis à Allah et avec d'autres, avec Allah. Donc il est associateur dans son obéissance et dans sa soumission. Et le cheikh il dit par la suite, وَمَنْ لَمْ يَسْتَسْلِمْ لَهُ كَانَ مُسْتَكْبِرًا. Celui qui ne se soumet pas du tout à lui, et bien lui il est quoi? Il est une personne orgueilleuse et arrogante, celui qui refuse de se soumettre à Allah. وَكُلُّ مِنَ الْمُشْرِكِ وَالْمُسْتَكْبِرْ عَنَ عِبَادَةِ اللَّهِ كَافِرٍ. Et tous les deux, le mushrik et le mustakbir, le mushrik, l'associateur et la personne qui est orgueilleuse, eh bien les deux sont des mécréants vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont des mécréants, et c'est ça. C'est ce que ça signifie. Donc il faut se soumettre uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut ne pas être dans une position de neutralité vis-à-vis la soumission. Ça veut dire, tu ne peux pas dire par exemple, je ne soumets pas à Allah, mais je crois en Allah, mais je ne soumets pas à lui. Et ça, c'est une contradiction. Allah ne peut pas te dire par exemple, fais la prière, ou jeûne, ou obéis à mon messager, et puis toi tu dis, je crois en toi et à Allah, mais je ne veux pas le faire. Il y a un problème dans ta foi, il y a un problème dans ta croyance si tu refuses de te soumettre. C'est comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Iblis de se prosterner à Adam. Iblis a refusé. Il a refusé de se prosterner. Allah lui a demandé, Astakbarta am kunta min al-alim. Est-ce que tu es orgueilleux? Est-ce que tu te penses fier? Tu refuses d'obéir à mon ordre? Ou bien tu penses que tu es parmi les haut placés? Et là, Iblis, il a répondu la réponse qu'on connaît. Mais, c'est parce que Allah s'en fait, il a clairement expliqué que Iblis, il s'est enorgueilli. Il a refusé de se prosterner à Allah s'en fait, par orgueil. Takbara wa aba, il a refusé. Donc, de refuser de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme d'orgueil. Et ça, c'est un acte de, c'est une forme de mécréance. Et c'est pour ça que, Allah subhanahu wa ta'ala est dit dans le Coran, إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي فَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. ceux qui s'enorgueillissent de mon adoration, c'est-à-dire refusent de m'adorer par en fait, ils entreront humiliés dans l'enfer. D'accord. Et le chef il dit par la suite, pour l'islam, l'Allah يتضمن عبادته وحده وأن يطاع وحده وذلك بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الإسلام بأن يستقبل بيت المقدس ثم أمر بعد ذلك باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في الإسلام. فالدين هو الطاعة وكل من الفعلين عبادة لله وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو توجه المصلي فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والممسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسل الواحد كما مثلنا باستقبال بيت المقدس أولا ثم استقبال الكعبة ثانيا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh ici il explique, il dit que la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala elle implique, comme on vient de dire, de se soumettre, d'adorer Allah seul et d'obéir à Allah seul. C'est-à-dire que, yani, on doit l'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans un temps spécifique, en faisant un acte, l'acte qui est demandé de faire dans ce temps-là en particulier. D'accord? Et il donne comme exemple, par exemple, parce que ça c'est la question du temps, c'est-à-dire, par exemple, lorsque, au début de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné aux musulmans que lorsqu'il prie, il se tourne vers la mosquée à Baitul Maqdis, c'est-à-dire Al-Aqsa, en Palestine. Donc, il a ordonné aux musulmans de se tourner vers la Palestine, pour eux c'était le nord. Hein, quand ils étaient à Médine, pour eux c'était le nord. Donc, quand ils priaient, ils ne se tournaient pas vers la Mecque, ils se tournaient vers la Palestine. D'accord. Et comme le chef dit, par la suite, ils ont été ordonnés de se tourner vers la Kaaba. Et les deux actes, c'est-à-dire de se tourner vers la Kaaba, vers la Baitul Maqdis, et de se tourner vers la Kaaba, les deux sont une forme d'adoration pour Allah. Lorsque c'était ordonné d'adorer Allah en se tournant vers la Palestine, donc dans ce temps-là, c'était ce qui était ordonné de faire, et c'était une adoration. Et par la suite, Allah a ordonné de se tourner vers la Mecque. Donc ça a été un autre ordre, et ça aussi c'était une adoration qui entrait dans l'islam, qui faisait partie de l'islam. Donc la religion c'est quoi? C'est l'obéissance. Et les deux actes étaient des adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la seule chose qui a changé, c'est la façon dont ces actes-là étaient accomplis. C'est-à-dire de la direction de la personne qui prie. Hein. Et la même chose, on peut faire une comparaison entre ça et l'exemple des prophètes de Yannis. Ça c'est pour expliquer que la religion de tous les prophètes est la même religion, même s'il y a des différences entre certaines formes d'adoration ou certaines règles que Allah a ordonnées à certains prophètes, en dehors de certains autres, d'accord. Donc c'est pour dire que même si par exemple l'exemple de la direction pour la prière, Allah a fait que à un certain temps on devait se tourner dans une direction, puis ensuite il nous a ordonné de changer cette direction pour une autre. Eh bien ça change pas le fait que c'est une adoration. Donc la même chose pour qu'est-ce qui a été révélé aux autres messagers auparavant. Ils ont reçu des ordres et des règles qui étaient différentes, mais malgré tout, ils étaient tous envoyés par le même Dieu, donc c'est la même religion. Donc on peut dire que Isa était un musulman, Jésus c'est un musulman, Moïse c'était un musulman, Abraham c'est un musulman, Jacob c'est un musulman, Ishaq c'est un musulman, tous les prophètes d'Allah sont tous des musulmans. Et il n'y a jamais eu une religion autre que l'islam qui a existé. Contrairement à ce que certains aujourd'hui pensent parmi beaucoup de musulmans, quand on leur parle des chrétiens ou des juifs, et si on critique certaines de leurs erreurs au sujet d'Allah, au sujet de Isa, au sujet de Moussa, les juifs au sujet de Moussa, et quand on explique que les chrétiens ont fait une erreur en adorant Jésus, ou en adorant les saints, hein, ou en adorant les maris, ou en adorant d'autres parmi les êtres humains, là, il y a certains musulmans qui ont mal compris l'islam, qui ont mal compris le tawhid, et qui disent, « Ya akhi, Allah dit dans le Coran, « Lakum dinukum wal yadin » À vous votre religion, à moi ma religion, et à vous votre religion, c'est-à-dire chacun a sa religion. Les chrétiens ont une religion, elle est correcte, c'est leur religion, ils ont le droit de la suivre, et puis elle est bonne. Les juifs ont une religion, et puis ils ont le droit de la suivre, et elle est correcte pour eux. Et puis nous, eh ben on a l'islam, et puis elle est correcte pour nous, puis on a le droit de la suivre, et chacun doit se respecter et accepter la religion dans laquelle il est, même si c'est pas l'islam. Il y en a donc cette compréhension-là qu'ils ont de l'islam, elle est incorrecte. C'est très très grave de penser de cette façon-là, parce que ça impliquerait que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé différentes religions à différents prophètes. Et que, après qu'il ait envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on aurait le droit de continuer à adorer Allah en suivant l'exemple d'autres que le prophète qu'on doit suivre. Et ça, c'est une contradiction. C'est quelque chose qui va en contradiction avec l'ordre d'Allah, qui nous demande d'obéir à Allah et de suivre son message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, les gens qui ont cru à Isa à son époque, c'est des chrétiens, on les appelle chrétiens, mais ils sont des musulmans, ils ont cru en Allah et à son messager, ils n'ont pas fait le shirk, c'est-à-dire ils n'ont pas associé à Allah, ou dit que Jésus était le Fils de Dieu, ou que Dieu était une trinité, ils ont cru en Dieu unique. C'est des gens qui sont venus par la suite, qui ont corrompu le message de Jésus, et qui ont rajouté des choses dans son message qui ne faisaient pas partie de son message, et qui ont commencé à appeler les gens à adorer Jésus, et à élever Jésus à un niveau de divinité, au lieu d'adorer Dieu seul. D'accord? Donc ils ont corrompu son message. C'est pas Jésus lui-même qui a dit aux gens, venez m'adorer, priez à moi, priez à ma mère, priez au saint, ou des choses de ce genre. Jamais, Isa a fait ça. D'accord? Donc, ça c'est une chose que les musulmans doivent comprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à tous les hommes d'accepter l'islam et de croire en l'islam. C'est pour ça que je disais tout à l'heure le verset dont Allah a révélé. Celui qui cherche autre que l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui. Elle sera parmi les perdants dans l'au-delà. Donc, on n'a pas le choix. On ne peut pas accepter que d'autres êtres humains acceptent de suivre des voies d'égarement. Et c'est un devoir pour nous les musulmans d'appeler les autres qui ne sont pas sur l'islam et de leur expliquer le message de l'islam et de leur demander de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et d'accepter l'unicité d'Allah et de laisser tomber l'idolâtrie et d'appeler les juifs même à l'islam parce qu'il y a beaucoup de juifs même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont devenus musulmans. Parmi les sahaba, il y a eu beaucoup de juifs. Moi-même, j'ai connu beaucoup de frères en Arabie Saoudite à l'université qui venaient des États-Unis et d'ailleurs qui étaient d'origine juive et qui avaient quitté le judaïsme pour accepter l'islam. Et il y en a beaucoup parmi les frères, beaucoup on les voit, on saura même pas que c'était des juifs puisque c'était des Américains ou d'autres et ils sont comme avec les mêmes. On peut pas les distinguer, parce qu'ils vivaient, la plupart ils vivaient comme des gens, comme les gens de la société croient pas en rien, ou bien ils ont pas une pratique claire ou sérieuse de la religion, mais lorsqu'ils ont commencé à étudier sur l'islam et comprendre un peu plus, ils ont accepté l'islam, ils se sont soumis, et ils sont devenus des bons musulmans. D'accord? Donc, ça c'est important à comprendre, et lorsque vous avez des musulmans comme ça qui vous disent ouais ben la kumbino kum waliyadin, et bien vous leur expliquez que il faut lire la sourate au complet قل يا أيها الكافرون. الله s'adresse à eux, il s'adresse au prophète, il dit, dis-vous les mécréants, قل يا أيها الكافرون. Donc comment tu peux dire لكم دينكم ولي دين, c'est-à-dire eux ils ont une religion et toi t'as la tienne, et que leur religion est bonne et la tienne elle est bonne aussi. Yani Allah il dit قل يا أيها الكافرون, ils sont des kuffars, des kafirun, hein, ils sont pas des croyants. Et donc ce verset-là, qu'on appelle le kafirun, c'est une sorte de bara'a, une sorte de désaveu. C'est un désaveu que les croyants doivent faire vis-à-vis des gens qui adorent autre que Allah. Donc Allah il dit, oh vous les mécréants, la a'budu ma ta'budu, moi j'adore pas ce que vous vous adorez. Moi j'adore qui? J'adore Allah seul. Vous, vous adorez qui? Vous adorez Isa, Jésus, un être humain, qui mange, qui dort, qui va en connaître, qui fait tout ce que d'autres êtres humains font. Donc il ne mérite pas d'être appelé Dieu ou d'être élevé au niveau d'un Dieu. Deux, qu'est-ce que vous adorez aussi? Vous adorez Marie ou des saints. Qui d'autre vous adorez encore? Bouddha, Krishna, Vishnu ou d'autres divinités comme ça. Qui d'autre vous adorez encore? Le soleil, la lune, les étoiles. Toutes ces choses-là, ça c'est vous, qu'est-ce que vous vous adorez? Vous adorez Allah, ou Al-Uzza, ou Hubal, ou Abdul Qadir al-Jilani, ou d'autres parmi les soufis qui adorent des morts, et des choses comme ça. Donc ça c'est qu'est-ce que vous vous adorez. Et Allah il dit, La a'budu, la ta'budu. Moi j'adore pas ce que vous vous adorez. Hein? وما أنتم عبدون ما أعبد. Et vous n'adorez pas ce que j'adore. C'est-à-dire, vous adorez ça et vous n'adorez pas Allah, c'est pas vrai. Même si eux ils prétendent qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité ils adorent les shayatins, ils adorent autre que Allah. C'est ça que Allah dit. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني. Il dit dans Surat Yassin, vous n'avez pas pris un pacte avec vous, ô fils d'Adam, que vous n'alliez pas adorer le diable, car il est pour vous un clair ennemi, et de m'adorer moi seul, voilà le droit chemin. Donc, toute personne qui adore autre que Allah, en fait, en réalité, il adore le shaitan. C'est le shaitan qui a fait les hommes à tomber dans le shirk et l'idolâtrie. Donc ça c'est un point pour clarifier ça, que même si il y a différents prophètes et qu'ils sont venus avec différentes règles, différentes lois, mais rien ne change que c'est leur religion et une seule et même religion. Et il faut bien comprendre ça, que en fait c'est la seule religion qui va être acceptée, c'est l'islam. Le Cheikh ensuite dit, فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم قد يشرع الله في وقت أمرا لحكمة ثم يشرع في وقت آخر أمرا لحكمة فالعمل بالمنسوخ قبل نسخه طاعة وبعد النسخ يجب العمل بالناسخ فمن تمسك بالمنسوخ وترك الناسخ فليس هو على دين الإسلام ولا متبع لأحد من الأنبياء ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ. نعم منسوخ تريد أن تفشلوا سبحان الله إبراهيم ما هو en fait ça veut dire quelque chose qui est abrogé à neuf. Mais tu sais, dans chaque dialecte, des fois, il y a des mots qui ont d'autres significations, parce qu'avec le temps, ça change l'arabe. Mais comme l'explication de ça, c'est que la religion, comme on a le cheikh, il répète encore, il confirme ça, il insiste là-dessus pour qu'on comprenne, que ça reste clair dans notre esprit. C'est ça, des fois, le cheikh, il se répète plusieurs fois. Il dit, donc la religion des prophètes est la même, même si leur règle ou leur loi est différente entre elles, et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut ordonner une certaine chose à un moment donné pour une sagesse, puis à un autre moment, Yani, il leur donne une autre chose différente. Donc, yani, c'est comme si au début il avait ordonné une règle, par la suite il la change cette règle. Il leur donne autre chose. Pardon? Comme par exemple l'ordre de prier vers la Palestine, puis par la suite de changer ça et de prier vers la Kaaba. Oui, c'est là, c'est au temps du prophète. Ça, là, ces choses-là peuvent uniquement. Pour Isa. Ben, ok, juste pour moi je peux te donner un exemple, mais même mon exemple, je ne sais pas si elle est claire, mais c'est comme pour te donner l'exemple que, d'après ce que j'ai lu, ou ce que j'ai entendu, c'est que au temps de Isa, ils buvaient du vin, et les gens buvaient du vin. Tandis que dans l'islam, pour nous, c'était interdit. Donc ça, c'est une, ouais, par après, ça a été interdit avec l'islam. Donc ça, c'est une des différences qui entre nous, les musulmans, et les gens de l'islam. Ouais, exactement. Au début de l'islam, c'était pas interdit. Puis par la suite, l'ordre d'Allah est venu graduellement, par étapes, pour venir interdire l'alcool. D'accord? Non. Exactement. Exactement. Ouais. Non. Oui, il y avait beaucoup de règles que, par exemple, au temps de Moussa dans la Torah, c'était très strict dans certaines choses, et puis Isa est venu pour leur permettre, et ça c'est écrit dans un verset dans le Coran, il est venu pour vous permettre certaines choses qui avaient été interdites auparavant. Parce que, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala à plusieurs époques, comme il a interdit aux Juifs certaines choses qui leur étaient permises, pour les punir de certains péchés qu'ils faisaient, d'accord? Parce que par exemple, les Juifs avaient l'habitude de toujours transgresser les lois d'Allah. Donc par exemple, un exemple, quand Allah leur a ordonné de respecter le sabbat, eh bien eux, ils faisaient des ruses pour essayer de détourner cet ordre. Par exemple, ils n'avaient pas le droit de travailler le jour du sabbat, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient leur filet dans la mer, parce que c'était le seul jour que les poissons venaient, en fait. Les autres jours, les poissons venaient pas. Mais le jour du sabbat, le jour du sabbat, ils venaient. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des filets, et puis, le filet attrapait les poissons, et puis le lendemain, quand c'était pas le sabbat, ils allaient cueillir les poissons. Donc c'était une contradiction du sabbat. Ils n'avaient pas le droit de faire ça, mais ils utilisaient des ruses de ce genre-là pour contourner les lois d'Allah. C'est pour ça que, à plusieurs reprises, Allah leur a endurci et rendu la religion très difficile pour les punir. Et à cause de ça aussi, parce qu'eux, ils avaient le cœur dur. Et Allah, il compare souvent dans le Coran leur cœur à des pierres. Ils avaient le cœur très dur. Au temps de Adam et Ève, j'ai entendu cette histoire aussi. Exact, oui. Ça c'est un exemple, et puis il y a plusieurs autres exemples, ils ne viennent pas à l'esprit. Mais ça, c'est un sujet sur lequel les savants ont donné beaucoup de détails. Si on retournait au tafsir de Ibn Kathir, lorsque Allah parle de ces choses-là dans le Coran, je suis certain qu'on trouverait un paquet d'exemples de tous ces cas-là. Et donc, même si bon, tu lis dans le livre qui est actuellement entre les mains des chrétiens et des vieux, et tu lis dedans, tu vas trouver beaucoup d'exemples de ces choses-là. Ben, j'ai compris que c'est des livres qui ont été forgés, hein, qui ont été changés par ces gens-là. Hein. Mais c'est ça que le chef ici explique. Il dit que le fait d'agir, par exemple, si Allah il a ordonné, par exemple, aux musulmans de prier vers Mecca aujourd'hui. Mais si un musulman arrive aujourd'hui et dit « Non, nous on veut encore prier vers la Palestine, on ne veut pas prier ouais, » comme les Ahdash qui ont changé la Qibla ou d'autres. Donc s'ils disent « On veut changer la Qibla et on veut faire comme les musulmans faisaient au tout début », eh bien là, ce n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce qu'on doit adorer Allah avec qu'est-ce qu'il a adoré après l'abrogation, pas qu'est-ce qu'il a ordonné avant l'abrogation. D'accord? Donc, le cheikh, il dit, celui qui s'accroche à... celui qui veut s'accrocher à qu'est-ce qui était avant la... celui qui s'accroche à qu'est-ce qui a été abrogé et qui laisse qu'est-ce qui est venu après de l'ordre, alors il n'est pas sur la religion de l'islam. Qu'est-ce qu'il suit, c'est pas l'islam. Et il suit en réalité aucun des prophètes. Parce qu'il a adoré Allah par qu'est-ce qui a été abrogé. Non, c'est ici, au bord, ici. C'est ça, celui qui dit bon moi je veux adorer comme le premier musulman il prie vers la Palestine, après Allah a changé vers la Mecque, celui qui dit non moi je veux suivre par la Palestine, mais le cheikh il est ça, si je donne ça comme un exemple, mais ça peut s'appliquer à tous les autres règles qui ont été abrogées par la suite, et bien c'est celui qui suit ça, mais c'est comme si en réalité il ne suit pas l'islam, il ne suit aucun des prophètes, et c'est pour ça qu'on dit que les juifs et les chrétiens sont des coupards. Parce qu'ils se sont basés sur une règle et des lois qui ont été abrogées par Allah subhanahu wa ta'ala par la suite. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran « Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaymin al-alayhi » Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire « Nous t'avons révélé le livre en vérité qui vient reconnaître ce qui avait été révélé avant comme livre et qui vient pour avoir le dessus » sur ces livres-là, sur ces livres préalables. Ça, c'est pas écrit dans le livre, mais c'est un verset dans le Coran qui explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a abrogé les autres révélations auparavant. La loi de Moïse, la loi de Isa, elles ont été maintenant abrogées. Quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui, bon, moi, je vais être musulman, je dis la ilaha illallah, sauf que, yani, je vais suivre Moussa, au lieu de suivre Mohammed. C'est pas accepté. Et c'est pour ça qu'une fois, je me souviens, j'étais allé à Concordia, à la Moussalla de Concordia une fois, et il y avait deux juifs ultra-orthodoxes qui étaient là-bas. Et dans les chapeaux avec les couettes et tout, puis tout le costume juif orthodoxe, là, vraiment strict. Et ces gens-là, ils sont contre les soi-disant zionistes. Ceux qui, ouais, ils sont contre les soi-disant zionistes. D'accord? Alors, c'est-à-dire que, yani, eux, ils disent que la Palestine, les personnes, s'ils veulent, ils voudraient les avoir, mais en fait, ils disent, nous, on se base pas sur ça. C'est-à-dire, nous, on se base sur le livre, pas sur la terre. C'est-à-dire, eux, ils croient que c'est le Messie qui va venir, qui va les délivrer et qui va leur redonner la terre. C'est pas un mouvement qui doit être organisé par eux pour reprendre les terres comme le mouvement zioniste. D'accord? Donc, eux, c'est pour ça qu'ils disent que les zionistes là-bas, c'est des laïcs, c'est des gens qui contredisent la loi et puis ils sont pas des vrais juifs. Donc, eux, ils sont contre les zionistes et ils participent à des manifestations avec certains musulmans là qui font des manifestations pro-palestiniennes et ils marchent avec eux pour dire nous aussi on est avec vous, on est contre les zionistes, on est contre les juifs, alors qu'en réalité c'est des hypocrites. Parce que lorsque j'ai discuté avec eux, ils sont venus à la Moussalla. Alors j'ai commencé à discuter avec eux, j'ai dit mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Il dit, mais nous, on est avec vous, on vient pour vous dire qu'on croit, on est d'accord avec vous. Il dit, donc, vous croyez à l'islam, vous croyez à Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, nous, on croit à Allah, on croit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, donc, vous dites, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Il dit, oui, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah. J'ai dit, ok. J'ai dit, donc d'abord, si vous dites ça, vous devez changer vos habits, vos costumes, couper ces couettes-là et tout. Et maintenant, vous devez suivre la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, ils ont dit, mais non, parce que nous, on suit nos traditions. J'ai dit, la façon dont vous vous habillez premièrement, si vous dites que c'est votre tradition, est-ce que Moïse s'habillait comme ça? Ils ont dit, là, ils étaient un peu embarrassés. J'ai dit, est-ce que Abraham, il s'habillait comme ça? Ils ont dit, non, il portait le turban, il faisait ci, il faisait ça. J'ai dit, d'accord. Donc, premièrement, votre tradition, elle ne remonte même pas à votre prophète comme vous prétendez. Deuxièmement, lorsque vous dites que vous croyez au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que vous devez suivre sa sunna, suivre sa guidance. Sinon, vous n'avez pas cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas juste dire, je crois en lui, et ensuite tu suis une autre règle, une autre voie que sa voie à lui. Donc ça montrait que leur prétention était fausse. Hein? Alors qu'en réalité, ils croient toujours à leur religion, ils suivent toujours leur religion, et ils disent, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, alors que ça, c'est pas prouvé par leur parole et leurs actions. Et il y avait certains parmi les frères qui étaient là, qui n'ont rien compris, et qui disait, ya akhi la ikraha fi din, qu'est-ce que tu dis, il n'y a pas de contrainte en religion, dis-leur pas, tu ne dois pas les forcer. J'ai dit, mais je ne les force pas, c'est eux qui ont décidé, qui disent qu'ils ont cru en l'islam, sauf qu'ils prétendent une chose qui est fausse. Alors je fais seulement leur dire et leur clarifier la réalité, que si tu veux être un musulman, tu dois suivre telle chose ou telle chose. La ilaha illallah, elle a des conditions à respecter pour qu'elle soit valable. C'est pas juste de la prononcer comme ça, puis ça y est, c'est fini. Il faut que tu respectes certaines règles. Il y a cette condition. On va en parler, peut-être, Inch'Allah. Parce que, on en a parlé déjà au début du cours, c'est dans le livre. Et on sait que Mohammed Rasulullah aussi, il a des conditions. Et ça, on va en parler à la fin, Inch'Allah. À la fin du cours. Donc ça, c'est juste une anecdote en passant pour vous montrer un petit peu, pour vous faire comprendre ce point-là. Et c'est pour ça que Allah dit que les juifs et les chrétiens sont devenus des kuffars parce qu'ils ont refusé de suivre ou de croire en Mohammed et de suivre le Coran. Naam. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit, le cheikh dit, Allah Ta'ala, yushra'u li kulli ummatin ma yunasibu halaha ووقتها ويكون كفيلا بإصلاحها ومتضمنا لمصالحها ثم ينسخ الله ما يشاء من تلك الشرائع لانتهاء أجلها إلى أن بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين إلى جميع الناس على وجه الأرض وعلى امتداد الزمن إلى يوم القيامة وشرع له شريعة شاملة صالحة لكل زمان ومكان لا تبدل ولا تنسخ فلا يسع جميع أهل الأرض إلا اتباعه والإيمان به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Qu'est-ce que ça signifie? Il a légiféré à toute la Umma, à chaque nation, qu'est-ce qui correspond à son époque et à son lieu ou à l'endroit où ils sont. C'est-à-dire avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah envoyait des lois ou des règles à chaque peuple, et c'était des lois qui correspondaient à leur époque et à leur lieu, l'endroit où ils vivaient. Hein? Mais donc le chef dit, et ça, c'était quelque chose qui était fait pour eux, en particulier pour leurs besoins. Et ça leur profitait dans les choses qu'ils avaient besoin de connaître ou de suivre, les règles qu'ils avaient besoin à leur époque et pour l'endroit où ils étaient. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé ça, il a abrogé ces lois-là par d'autres lois, parce que sa période était terminée. La période de cette loi, la durée de cette loi était terminée, jusqu'à ce qu'il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant le dernier des prophètes, celui qui est venu clore la prophétie, et il l'a envoyé non seulement à un peuple en particulier, ou pour un temps en particulier, ou pour un lieu en particulier, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour toutes les époques et pour tous les endroits sur la terre, pour tous les êtres humains et pour tous les djinns. Hein, jusqu'au jugement dernier. Donc la loi de l'islam, les règles de l'islam, c'est pas uniquement pour un temps spécifique ou pour un peuple spécifique, comme par exemple c'est pas juste pour les Arabes ou pour le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme beaucoup de gens égarés aujourd'hui parmi les modernistes qui disent certaines lois, bon ça c'était pour le temps du prophète, pour le temps, c'était pour le temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais lorsqu'il vivait au temps des chameaux puis des ânes. Mais aujourd'hui, on est moderne, on est modernisé, on a l'ordinateur, l'internet, on a les voitures, on a tout ça. Donc on n'a plus besoin de suivre ces règles parce qu'on a évolué. Donc ça, de dire ça, c'est des paroles de courte, c'est des paroles de mécréance. Hein, on sait que ces lois qu'Allah a révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elles sont valables et applicables jusqu'à la fin des temps. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ces règles-là, elles ne vont pas jamais être abrogées. Elles contiennent tout ce qui est bon pour toutes les époques et pour tous les endroits. Et, yani, personne parmi les êtres sur la terre n'a de choix autre que de le suivre et de croire en son message, sallallahu alayhi wa sallam. Et les preuves de ça, c'est dans les versets que Allah a révélés dans le Coran, dans lequel il dit, ô vous les hommes, dit, ô vous les hommes, je suis pour vous le messager d'Allah. Pour vous tous, le messager d'Allah. Inni Rasulullah ilaykum jami'a. Pour vous tous. Dans le autre verset, Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa ma arsalnaka illa kafatan lillah. Bashiran wa naziran. Nous ne t'avons envoyé, excepté, et nous t'avons uniquement envoyé pour tous les gens. Inna kafatan lillah. Et dans un autre verset, on m'a arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé, excepté que c'est comme une miséricorde pour les gens, pour les mondes. Miséricorde pour les mondes. Parce qu'il n'est pas envoyé seulement pour les hommes, il a été aussi envoyé pour les djinns. Hein? Et il est une rahma pour les mondes, pas seulement même pour les hommes et les djinns, mais il est aussi une miséricorde, même pour les animaux, même pour les arbres, même pour la création. Pourquoi? Parce que les règles qu'il nous a envoyées et qu'il nous a ordonné de suivre, ce sont des règles qui nous incitent à la miséricorde envers les autres, envers la création aussi. Donc c'est une miséricorde pour les mondes. Et après il dit, donc Allah Ta'ala, Mohammed n'est pas le père, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas le père d'aucun des hommes d'entre vous. Mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Dernier des prophètes. Donc le cheikh dit, « وَالْآيَاتُ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدْ صلى الله عليه وسلم فيها خطاب لجميع الخلق الجن والإنس وعلى اختلاف أجناسهم لم يخص العرب بحكم من الأحكام بل علق الأحكام باسم كافر ومؤمن ومسلم ومنافق وبر وفاجر ومحسن وظالم وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن والحديث فليس في القرآن والحديث تخصيص العرب بحكم من الأحكام الشرعية وإنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغضه الله ونزول القرآن بلسان العرب إنما هو لأجل التبليغ لأنه بلغ قومه أولا ثم بواسطتهم بلغ سائر الأمم وأمره الله بتبليغ قومه أولا ثم تبليغ الأقرب فالأقرب كما أمر بجهاد الأقرب فالأقرب وليس هذا تخصيصا وإنما هو تدرج بالتبليغ. نعم. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit que les versets que Allah a révélés dans le Coran, ils ont été, que Allah a révélés à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le discours dans ces versets-là, la parole est adressée à toutes les créatures, les djinns et les hommes. Et selon les différentes nationalités, ou les différentes nations, ou les différents peuples, les différentes couleurs, il n'y a pas de distinction dans ce discours, il est adressé à tous. Hein? Et le cheikh il dit, et Allah n'a pas, ne s'est pas limité uniquement aux Arabes en leur légiférant des règles, en particulier parmi les règles. En réalité dans le Coran, il n'y a pas une chose, quand Allah parle, il ne s'adresse pas aux vous les Arabes. Hein? Tu vois pas ça dans le Coran. Allah s'adresse pas à un peuple en particulier. Il s'adresse en utilisant des termes comme le terme kafir, mécréant, mu'min. Hein. Allah il fait pas de distinction par rapport à des peuples ou des couleurs ou des nationalités. Il fait des distinctions en des principes entre les hommes, c'est-à-dire le croyant, le mécréant, l'hypocrite, le musulman, le pieux, le pervers, le bon, l'injuste, c'est de ces noms-là qu'il utilise pour clarifier et pour diviser et catégoriser les hommes, non les nationalités. C'est pour ça que le cheikh il dit, donc ça c'est les exemples qu'on trouve dans le Coran et dans le Hadith. Tu n'as pas trouvé dans le Hadith ou dans le Coran des règles qui sont spéciales juste pour les Arabes, ou qui clarifient ou spécifient un peuple en particulier en dehors des autres, contrairement à la religion des Juifs, qui croient que c'est uniquement leur peuple qui est choisi par Allah, et que c'est seulement leur peuple qui doit être, qui doit obéir et suivre les règles. Non, dans l'islam, c'est tous les peuples qui sont appelés à suivre et à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. دونك كما قلت نعم. دونك il n'y a pas dans le hadith comme on dit c'est ça. Les règles dans la parole d'Allah et de son prophète, elles s'appliquent uniquement aux caractéristiques qui ont un effet sur l'amour d'Allah et qu'est-ce qu'Allah aime et qu'est-ce qu'Allah déteste. C'est là-dessus que, c'est sur ces choses-là que Allah, c'est ce discours-là que Allah adresse aux êtres humains. Non un discours pour distinguer par un peuple par rapport à un autre. Et le Coran a été, révélé en arabe. Et ça, c'est uniquement pour la transmission du message. D'accord? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un arabe. Donc, le Coran a été révélé en arabe parce que le peuple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un arabe et le peuple était arabe. Donc, pour qu'il comprenne le message, il fallait que le message soit dans la langue du peuple. C'est comme ça que Allah a fait pour chaque prophète. Il n'a pas envoyé un chinois pour appeler les arabes. Un chinois, ça n'aurait pas était possible. Il a envoyé un arabe pour appeler son peuple en arabe, ok. Et le cheikh il dit par la suite, ce peuple-là, ils ont appris l'islam, ils ont compris l'islam et ils l'ont transmis aux autres nations. Ils sont partis aux autres peuples et ils l'ont transmis aux autres nations et à toutes les autres peuples. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de commencer. Il a ordonné au prophète de commencer toujours par notre peuple, de commencer toujours par son peuple, ou par notre famille, par les proches. C'est comme ça la voie dans l'islam, quand on fait le da'wah, on doit toujours commencer par notre propre famille ou notre propre peuple. On ne doit pas, par exemple, penser qu'on doit aller appeler des gens en Chine, alors qu'on n'a même pas encore dans notre propre maison commencer à réformer les choses, commencer à améliorer la situation dans notre maison, dans notre quartier, dans notre ville. Hein. On commence toujours là par ce qui est proche de nous, par notre entourage, notre famille, nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, ensuite nos cousins, nos oncles, nos tantes, les gens qui sont autour de nous. Puis après on va de cette façon-là et on agrandit le da'wa de cette façon. D'accord? Allah. Donc, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, de faire ça, on fait le jihad, on doit commencer par les gens qui sont plus proches, puis ensuite, s'éloigner de plus en plus, comme Allah dit dans le Coran, Jahidul ladhina yalunakum min al-kuffar, c'est-à-dire combattez ceux qui sont plus près de vous parmi les mécréants. Hein? Donc c'est la même chose. Et Allah dit dans le Coran, wanzur ashiratak al-aqrabin, et avertis tes plus proches parents. Hein? Tu commences donc par ta famille. Toujours. Donc c'est pour ça, tant mieux qu'il a commencé par son peuple, il s'adressait à eux dans leur langue, et c'est les premiers croyants par la suite, qui étaient les Arabes, eux sont partis dans le monde entier, et ils ont répandu le da'wa, le jihad et l'islam, pour rappeler les gens hein, la bonne voie. Après le cheikh il dit, « Wal maqsoudu, anna dinu l'anbiya alayhim salatu wa salam wahid, wa huwa l'ikhlas al-ibada lillah, wal nahi an shirk wal fasad, وإن تنوعت شرائعهم حسب الظروف والحاجات إلى أن ختموا بمحمد إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عمت رسالته الخلق وامتدت إلى آخر الدنيا ولا تبدل ولا تغير ولا تنسخ وهي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام إلى آخر الزمان وهو يأمر بما أمر به المرسلون من قبله من الإيمان والإخلاص والعبادة لله بما شرعه من الأحكام وهو مصدق لإخوانه المرسلين وإخوانه المرسلون قد بشروا به خصوصا أقرب الرسل إليه زمانا وهو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حين قال لقومه يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وفي الكتب السابقة من بيان صفات هذا الرسول وخصائصه صفات هذا الرسول وخصائصه وما هو من أوضح الواضحات وأن جحده وإن جحده من جحده من اليهود والنصارى حسدا وتكبرا كما قال الله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. Donc, le cheikh il finit en disant que ce qu'il veut dire par ça, c'est que, par ce qu'on a expliqué plus tôt, c'est que la religion de tous les messagers est une seule religion. Et c'est de purifier notre adoration à Allah seul, pour la rendre uniquement à Allah, et d'interdire le shirk et la corruption. Même si il y a des différences entre les règles, entre les règles des prophètes, étant donné qu'il y a, et ça c'est à cause des différentes situations et des différents besoins de chaque peuple avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que, chaque prophète avait des règles différentes selon ses besoins, selon les besoins de son peuple, selon les circonstances et tout. Jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit venu, et son message à lui, il est général, il est pour toute l'humanité, il est pour tous les créatures. Donc c'est un message plus grand, il est plus vaste. Et elle a rempli la dunya, elle s'est répandue partout. Et cette religion qu'il a amenée, elle va pas être changée, elle va pas être, abrogée. Et elle est bonne et elle est applicable dans tous les époques et pour tous les, temps. Et il n'y a pas de prophète après lui, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin des temps. Et yani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne ce que les autres prophètes avant lui ont ordonné de suivre. Hein? C'est comme ça qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Coran, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرَّسُولِ. Dit, je ne suis pas un innovateur parmi les messagers. Je ne suis pas un innovateur, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne viens pas avec une religion nouvelle. Je ne suis pas quelqu'un qui vient avec un nouveau message. Il fait seulement ramener tout ce que les autres ont ramené avant lui. Donc il amène le même message fondamental que les autres. Donc, et c'est ça que le cheikh dit ici. Et il amène tout ça, le message des prophètes avant lui, la foi et la pureté de l'adoration à Allah seul, et avec les règles qu'il a reçues d'Allah SWT. Et en même temps, il reconnaît la véracité du message de ses frères, entre les autres prophètes qui sont ses frères. Et les autres prophètes ont annoncé sa venue. C'est-à-dire, les autres prophètes ont annoncé la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa alaykum salam. Allah. Non, inshallah. Wa alaykum. Wa alaykum salam. Allah wa barakatuh. Barakallahu fiik. Non. خصوصا اقرب الرسل اليه زمانا وهو عيسى يعني en particulier les prophètes ils ont annoncé la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes qui sont venus avant ils ont tous annoncé qu'il allait avoir un prophète qui allait venir à la fin des temps de yani il allait avoir certaines caractéristiques, donc ils ont tous annoncé sa venue et en particulier Jésus yani a annoncé la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça un exemple dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala cite Jésus disant « Ô fils d'Israël, je suis un messager pour vous, je suis un messager d'Allah pour vous qui reconnaît ou qui croit en ce qui a été révélé auparavant, avant moi, de la Torah, et qui annonce la venue d'un autre messager qui va venir après moi, qui s'appelle Ahmad. » D'accord ? Donc Les livres précédents, la Bible, l'Ancien Testament, ou comme on l'appelle aujourd'hui, c'est-à-dire la Torah et l'Injil, le message qui a été révélé à Isa et le message qui a été révélé à Moussa, ces livres-là, ces deux prophètes-là ont annoncé l'avenue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le livre. Et ils n'ont pas nécessairement mentionné le nom directement, comme les chouïrs qui ont expliqué ça, Ibn Qayyim dans son livre Hidayatul Hayara. Il a expliqué que c'est les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été décrites et qui nous permettent de reconnaître que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui correspond à ces caractéristiques-là. Hein? C'est pas nécessairement le nom lui-même qui doit être pareil, hein? Ou qui doit être écrit. Il n'y a pas le mot Ahmed, tu vas pas trouver dans le même. Il y en a qui disent bon, il était écrit, mais ils l'ont enlevé. Mais il y a le paraclet et tout. Paraclet, c'est ça. En grec, il paraît que paraclet, ça amène la même signification que le mot Mohammed en arabe. Hein? Donc, en se basant là-dessus, on dit ouais, c'est vrai, il a parlé de lui. Sauf que, bien entendu, ils ont essayé de le changer. Mais si tu lis les descriptions de ce prophète dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, tu vois que ça correspond 100% exactement à la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De lui-même. Exactement, là. C'est ça. C'est comme dans le Nouveau Testament, ça a été rapporté que Jésus aurait dit que il ne parlerait pas, celui qui allait venir après lui n'allait pas parler de lui-même, mais il dirait uniquement ce qu'il a entendu. Et ça correspond exactement à la discussion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il ne parlait pas de lui-même. On m'a dit qu'au anil hawa, il ne parle pas de selon ses désirs, c'est seulement une révélation qu'il dit. Et c'est là qu'il vient dicter le Coran, et lui, il le récite. Donc, ça veut dire que c'est pas ses paroles à lui. C'est un exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Mais, Yanni, comme, pour terminer, c'est que, Yanni, Les juifs et les chrétiens ont, bien entendu, ont nié ça, comme le cheikh il dit, par jalousie et par orgueil. Et comme Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahina atainahumul kitab, ceux à qui nous avons donné le livre, ils le connaissent, c'est-à-dire ils connaissent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Hein? Quand ils lisent les paroles d'Allah dans le Coran et quand ils écoutent parler de l'islam, ils voient ça et disent, voilà, on le reconnaît, on sait que ça c'est le messager d'Allah. Ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres petits-enfants. Mais Allah dit, وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Mais il y a une partie d'entre eux qui cache la vérité alors qu'ils savent. Donc, alhamdoulilah, le cheikh il dit, on demande à Allah qu'il nous montre la vérité comme telle et qu'il nous permet de la, qu'il nous donne la chance de la suivre ou la force de suivre cette vérité et de nous montrer la fausseté comme telle, comme étant fausseté et qu'il nous donne la force de s'en éloigner. Et c'est comme ça que le cheikh termine ce chapitre ou cette partie du chapitre. Et puis, Inch'Allah, donc, on va terminer ici à tout le qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu innahu wa al-ghafur rahim, subhanallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, dimanche prochain, bon, on va s'organiser. Si jamais on a un changement à faire, on va l'annoncer aux frères, au sujet de l'heure et du jour, s'il y a un changement à faire. Et puis, la semaine prochaine, le sujet, ce sera la mention des particularités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, ça sera ça le sujet du cours la semaine prochaine. Donc, si vous n'avez pas de commentaires ou de questions, on va laisser la sœur, si elle veut sortir avant de nous lever. Là. Faites attention. Ils reconnaissent le prophète et le Coran. Non, comme leurs propres enfants. Assalamu alaikum. فجعل منهم القردة والخنازير en porc et en singe. Oui. Non.